Comment rester fidèle quand on veut être juste? Le cas Vauban. Sébastien le Prestre, marquis de Vauban, est né en 1633 et mort en 1707. Ingénieur et architecte militaire, il fut nommé maréchal de France par Louis XIV en 1703. On lui doit la création ou la consolidation de plus de 150 places fortes réparties sur toutes les zones frontières du pays. Conjuguant son patriotisme avec sa loyauté à l'égard du roi, il consacra son existence à la défense du royaume de France. À la fin de sa vie, Vauban fut pourtant pris dans une contradiction de plus en plus vive entre la fidélité à un monarque auquel il devait son ascension sociale et un souci de justice sociale alimenté par la découverte des souffrances intenses du peuple français. Je rappelle que la grande famine de 1693-1694 fit 1 300 000 morts, soit un vingtième de la population. Les historiens disposent d'une source précieuse pour étudier les tensions qui assombrirent les dernières années de la vie de Vauban. Ce sont les feuillets manuscrits intitulés « Agenda » qui ont été retrouvés dans ses archives privées. Il s'agit des notes successives que Vauban rédigeait pour mémoriser les différents sujets qu'il devait aborder lors de ses audiences auprès du roi, mais aussi pour fixer par écrit ce qu'il observait au cours des multiples voyages liés à sa fonction. Les agendas d'audience montrent bien la dépendance absolue dans laquelle se trouvait Vauban à l'égard de Louis XIV. Illustré notamment par la multitude des demandes de faveurs pour les membres de sa famille et de sa clientèle. Cette soumission explique que Vauban fut placé dans une situation de plus en plus difficile lorsqu'il tenta de convaincre le monarque d'adopter des réformes qui menaçaient les intérêts de l'aristocratie. Dans l'un de ses agendas, il prévoit de demander au roi la réduction des dépenses de ses fortifications en lui conseillant de signer des traités de paix sans faire tort à l'État ni affaiblir sa frontière. Mais la préoccupation qui s'imposa de plus en plus dans ses derniers agendas concernait la réforme des impôts. Le roi ne l'ayant pas suivi sur ce point, Vauban finit par publier clandestinement un essai intitulé « La dîme royale ». Il y proposait de remplacer les impôts existants par un impôt unique de 10% sur tous les revenus, sans exemption pour les ordres privilégiés, le roi inclus. Il alla même jusqu'à envisager une segmentation en classes fiscales en fonction des revenus, soumis à un impôt progressif de 5% à 10%. Dans ses mémoires, le duc de Saint-Simon note que le livre de Vauban fit grand bruit, goûté, loué, admiré du public, blâmé et détesté des financiers, abhorré des ministres dont il alluma la colère. Les magistrats des finances tempétèrent et l'orage fut porté jusqu'à un tel excès que, si on les avait crus, le maréchal aurait été mis à la Bastille et son livre entre les mains du bourreau. Louis XIV n'alla pas jusque-là, mais en 1707, le conseil privé du roi se réunit pour condamner l'ouvrage, accusé de contenir plusieurs choses contraires à l'ordre et à l'usage du royaume. Le conseil décida que le livre serait mis au pilon et il fut interdit aux libraires de le vendre.